Chapitre 17e. Voici ce qui s'est passé le dimanche soir, 11 juillet. Maxime monte l'escalier qui conduit chez les Bréau. Il frappe à la porte. Sans attendre, il tourne le loquet et entre. Marie Bréau est assise sur une chaise, les jambes écartées, l'air prostré. Son mari, la tête, du moins ce qu'il reste de sa tête, ensanglantée, gît au bas de l'évier. « Tiens, tu tombes à pic, toi, le beau gosse. Regarde ce que j'ai fait à ma saloperie de mari. » Ça fait des années que j'en avais envie. Maintenant, il ne me fera plus de mal, tu vois. Mais vous êtes devenu folle, vous avez bu, s'exclame Maxime. Non, je ne suis ni folle ni saoule. Au contraire, je suis très lucide. Pour une fois dans ma vie que je ne me conduis pas en folle. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai débarrassé. J'allais prévenir les gendarmes. Arrête! Tu vas rester là bien sagement, Gary. Sinon, les gendarmes sauront que c'est toi qui as tué ton frère. Tu sais, au bord du canal, tu l'as pris par les pieds et hop! Vous êtes une carne. Vous avez battu votre fille et vous laissez votre mari la tripoter. Ah, parce que toi, tu ne l'as pas tripotée, ma fille, peut-être? Jamais. Je n'ai jamais osé la toucher. Je l'aimais comme ma fille et je voulais vous faire foutre en tôle tous les deux pour ce que vous avez fait. Sans compter la maîtresse que vous avez assassinée. Et comment tu sais ça, toi? Oh, ben, c'est pas difficile à deviner. Vous avez été chez elle, ne dites pas non, quelqu'un vous a vu. Et je sais très bien de quoi vous avez parlé. Elle a dû vous menacer d'aller trouver les gendarmes et vous l'avez assassinée pour ne pas qu'elle parle. C'était un accident, on ne voulait pas la tuer. Marie se penche en avant, tire ses cheveux en arrière. Bon, écoute, dit-elle en montrant le cadavre. Tu vois celui-là? Il ne fera plus de mal. Il était jugé et condamné à mort. Ton frère aussi, tu l'as jugé et condamné. Il est mort. Tout est en règle, ils ont payé. Et toi, sale garce, il faut que tu payes aussi, rugit Maxime. Oh, sois tranquille, j'ai payé. Et je vais encore payer. Mais tu sais, ma fille, je l'aimais. Seulement, je l'ai comme endormie par la vie. Je ne réagissais plus. J'aurais tellement voulu qu'elle réussisse, ma fille. Et c'est pour ça que tu la battais, folasse. Eh oui, c'est pour ça. Mais je regrette, tu peux pas savoir. Si seulement on pouvait revenir en arrière. Quant à toi, je n'arrive pas à me faire une idée précise sur ton compte. Parce que si tu es comme les deux autres, il va falloir que tu payes toi aussi. Et comment? Ça, c'est mon secret. Et toi, il ne t'est pas venu à l'esprit que tu pourrais bien mourir avant moi? C'est toi qui me tuerais, Maxime? Allez, vas-y, ne te gêne pas. Non, tu n'es pas assez courageux pour ça. Je vois, toi tu es un doux, un tendre, mais c'est parfois les plus vicieux, les tendres. Allez, vas-y, je ne crierai pas, dit Marie en écartant les bras et en offrant sa gorge. Tu serres là, avec les pouces, et hop, plus de Marie. Tu es complètement folle, ma pauvre. Non, je ne suis pas folle, je me suis réveillée, tu comprends ça? Toi, andouée. Allez, fous le camp. Je te préviens que vous vous souviendrez tous de moi. Retiens bien ça. Maxime ne peut pas se résoudre à étrangler Marie, comme elle le lui demande. En revanche, il ne se sent pas le courage d'aller la dénoncer aux gendarmes. Au fond de lui-même, il éprouve un peu de compassion pour cette femme. Tant pis si elle parle, de toute façon, il n'en a plus pour longtemps et sera peut-être loin. Marie sent enfin deux larmes brûlantes glisser le long de ses joues. Elle ferme les yeux et goûte enfin la sérénité. Son chagrin éclate enfin. Oh, pas le chagrin de maintenant, non. Un chagrin vieux de plusieurs années, qui l'a miné jour après jour. Elle ne regrette pas ce qu'elle vient de faire. Elle ne regrette rien. La vie l'a prise et va la quitter. C'est dans l'ordre des choses. Il faut maintenant s'organiser.